les Blancs pensent qu'ils sont supérieurs. Retenons juste, les Blancs pensent que. Quatre mots qui forment un propos raciste dans la bouche d'un militant pourtant antiraciste dénonçant les cris de singes, des abrutis, des tribunes de foot. Comment une partie de la lutte antiraciste sincère a pu glisser vers un communautarisme des arguments pour qu'au lieu de réduire la pression, elle contribue au contraire à vitaliser le racisme. Les Blancs pensent que ce n'est pas juste une généralisation, c'est une essentialisation. Essentialisation, c'est l'insulte suprême aujourd'hui. C'est le terme que j'ai l'impression d'entendre dès qu'on parle de genre, de sexe ou de race, et en général pour mettre fin au débat. Par définition, l'essentialisation est l'acte de réduire un individu à une seule de ses dimensions, ce qui suppose qu'il y a non seulement réduction d'un individu, donc, mais qu'il y a aussi l'idée de le faire malgré l'individu lui-même. Essentialiser, c'est donc poser une étiquette. Mais dans le terme essentialiser, il y a plus que l'étiquetage d'un seul individu. On essentialise peu une personne seule pour elle-même. Dans essentialiser, on entend aussi la généralisation d'un trait naturel. Essentialiser, c'est ramener l'individu à un donné stable, un sexe, une couleur de peau par exemple, pour ensuite l'étendre à toute une catégorie partageant ce même donné, et établir à partir de là une hiérarchie entre différentes catégories, tel le racisme. On l'aura compris, à travers cette définition, l'essentialisation, c'est mal, c'est immoral. Loin de moi l'idée donc de défendre l'acte en lui-même, c'est le terme qui m'intéresse aujourd'hui. Pourquoi lui fait-on porter ce fardeau? Pourquoi souffre-t-il d'une telle dévaluation quand on sait qu'en philosophie, tout commence ou finit justement par l'essence? Si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. Ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Et quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Quand j'étais en terminale et que j'ai découvert la philosophie, j'ai découvert presque dans le même temps ce qu'était l'essence et qu'il était bon de la critiquer. Autrement dit, j'ai découvert en même temps Aristote et Sartre. D'un côté, l'inventeur de l'essence comme substrat nécessaire, opposé aux mouvements et aux accidents, et de l'autre, Sartre, comme on l'a entendu, pour qui les accidents et le mouvement comptaient plus que l'essence. D'un côté, donc, le vieux philosophe qui essentialisait, et de l'autre, le contemporain qui faisait l'éloge de l'existence contre l'essence. Jamais d'ailleurs je n'aurais fini une dissertation avec Aristote ou Platon, les rois de la nécessité et des substances unes et immuables. Ça aurait été la honte, le contraire du cool. Ce qui était bien vu, en revanche, c'était d'achever sa troisième partie par les louanges du mouvement, de la multiplicité, de la diversité, par l'amour des reliefs, des incertitudes, des aléas de la vie. Eh bien, je n'aurais jamais pensé retrouver cette même tendance, une fois adulte, dans les débats actuels. Pour moi, le terme même d'essence était cantonné à la sphère philosophique, tout comme sa dévalorisation. Et pourtant, il est là, bien là, ce terme d'essence, dans l'air du temps, avec les controverses sur l'identité et le communautarisme, de bon ton depuis le XXe siècle, avec Sartre justement, de l'employer pour mieux le rejeter. Il faut en finir avec les utopies, les préjugés, les stéréotypes. Je pense que on ne naît pas femme, on le devient, mais on ne naît pas homme non plus, on le devient. Que c'est un long chemin et pour les unes et pour les autres, et qu'il faut qu'on comprenne que ça n'est pas parce qu'on a telle conformité du corps et des organes génitaux qu'on va acquérir une identité qui est toujours culturelle. À écouter Elisabeth Badinter insister sur le devenir contre l'identité dans le genre, on retrouve ce même rejet de l'essence. Comme si les débats identitaires avaient réactivé et s'étaient approprié cette opposition philosophique entre la tradition métaphysique d'Aristote et la révolution existentialiste de Sartre. Serait-il possible donc de dépasser cette opposition? Peut-on par exemple essentialiser sans se fermer à l'existence? Peut-on parler d'essence sans être un affreux essentialisateur? Sans être soi-même fiché, essentialisé, essentialisateur? Parfois je me dis qu'Aristote a été mal compris, qu'il voulait juste déterminer un socle commun pour ensuite en discuter et ne pas être d'accord, justement. Et puis d'autres fois, je me dis qu'on en a trop fait dire à Sartre, car il n'a pas éliminé l'essence, il l'a juste fait redescendre sur Terre. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise pour vous cette semaine truffaldienne, Swad Boukorsa qui est à la prise de son aujourd'hui, Noémie Lvoski à la lecture des textes de Truffaut.